sur Radio Le 5, consacré à la musique francophone. Et on commence avec A. T'es belle quand tu souris, t'es belle tout le temps, t'es belle même quand tu ris et qu'on voit tes dents. T'es belle quand tu rougis, t'es belle en toutes circonstances, t'es belle même quand tu fais une blague pourrie en plein dans un silence. T'es belle quand tu te trompes, t'es belle quand tu t'entêtes, t'es belle, je m'en rends compte, même quand t'as l'air bête. T'es belle quand tu t'énerves, t'es belle sans te mentir, t'es belle même si quand tu t'énerves, c'est pas le moment de te le dire. Déjà du temps de mes amours vagues, j'étais sourd au fracas de leurs écumes. Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues, je dois être aveugle, je présume. T'es belle quand t'es bourré, t'es belle quand tu marches pas droit et que tu sais plus parler. T'es belle quand tu dors, t'es belle quand tu ronfles, t'es belle c'est ça qui est fort même quand tu me gonfles. T'es belle mal réveillée, t'es belle et je te jure que t'es belle même quand t'as été coiffée par tes couvertures. T'es belle quand tu me reproches de pas être honnête avec toi, mais t'es belle même quand tu te trouves moche, alors je le garde pour moi. Déjà du temps de mes amours vagues, j'étais sourd au fracas de leurs écumes. Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues, je dois être aveugle, je présume. Radio Le 5, ce soir, s'intéresse à l'amour et surtout à ses histoires belles et simples comme déclarées à l'instant par le groupe français Volo, pour qui les mots « t'es belle » construisent toute une chanson. Cependant, les amours sont souvent des histoires complexes, comme nous le raconte tout de suite Trio, ou quand l'amour surnage dans un monde fou, où il est dur de trouver sa place, mais pourtant on s'aime, et puis c'est tout. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris, agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime ce matin. Ce matin, pendaison de Saddam, l'ONU crie au scandale. Le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt. Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours. On n'en fera jamais le tour. Dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Parfois l'amour est là, mais comme le chantent Axel et Sophie des Petites Nacelles, tout cet amour est tellement entouré d'horreur qu'on a l'impression d'être né trop tôt ou trop tard, comme dit Verlaine. Si j'ai du bitume dans la voix et du brouillard dans ma guitare, c'est qu'il fait nuit dans nos mémoires et qu'il fait froid sur les trottoirs. On parle ment autour d'ivoire. Rêve d'écrire sa page d'histoire. Comme dit Verlaine, pauvre Gaspard. Es-tu né trop tôt ou trop tard? T'as pas de haine, t'as que de la peine et de la colère. Si je grandis pas, si je marche pas droit, si je traîne la nuit dans ma musique, c'est qu'il y a trop de monde qui sont sans voix sur le pas de la porte de la boutique. Alors que là-haut on tourne la loi. Affaire de cul, affaire de fric. Comme dit Verlaine, pauvre Gaspard. Es-tu né trop tôt, trop tard? T'as pas de haine, t'as que de la peine et de la colère. Si je cours les rues et les bistrots, si je pleure parfois sous les étoiles, c'est qu'il y a du rêve sous mon paletot et que j'aimerais bien mettre les voiles et pas finir dans le ruisseau. Un peu poivron, un peu bancal. Comme dit Verlaine, pauvre Gaspard. Es-tu né trop tôt ou trop tard? T'as pas de haine, t'as que de la peine et de la colère. Mémoire, la misère noire et pas de boulot, c'est que j'ai poussé tout seul dans le noir. Du sang séché sur vos drapeaux, mais y'a Verlaine dans ma mémoire, et des gamins sur les trottoirs. Pour eux ça commence aujourd'hui, la vie. Ça commence aujourd'hui, la vie. L'amour, c'est la tordue aussi. Amour poétique, amours impossibles, amours tragiques, racontés dans des histoires médiévales, mais aussi avec les mots de Louis Aragon. deux chansons tout de suite de la Tordue, à une mendiante rousse, ou quand la paysanne brille plus que la reine, suivie de la rose et le réséda, sur un texte de Louis Aragon. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté pour moi. Poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur, à sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une reine de roman ses cothurnes de velours, tes sabots lourds, au lieu d'un haillon trop court, qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons. En place de bas troués, que pour les yeux déroués, sur ta jambe un poignard d'or reluise encore. Que d'aînes mal attachés dévoilent pour nos péchés tes deux beaux seins radieux comme des yeux. Déshabiller, tes bras se fassent prier et chasse ta coupe mutin, les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnet de maître Bello, par tes galants mis au fer, sans cesse offert. Valtaille de rimeur, te dédiant leur primeur, et contemplant ton soulier sous l'escalier. Main page et prix du hasard, main seigneur et main ronsard, et pire est pour le déduit, ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lys, et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Cependant tu vagues en quelques vieux débris gisants, au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous, dont je ne puis, ou pardon, te faire don. Donc sans autre ornement, parfum, perle, diamant, que ta maigre nudité. Ô ma beauté. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, faut qui fait le délicat, faut qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois il a chancelle. L'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Cependant, l'amour n'est pas toujours très poétique. L'amour peut être saoulant. Trop de mots, trop de bruit ne découragent pourtant pas l'amoureux d'Isabelle. C'est l'histoire que nous raconte tout de suite. Mes souliers sont rouges. Le fait de parler trop n'est pas un gros défaut. Et tout peut s'arranger même s'il y a du boulot. Et si tu t'arrêtais un peu, nous pourrions jouer à d'autres jeux. À d'autres jeux. Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Et maintenant que je te connais, je ne pourrai plus jamais t'oublier. Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Isabelle, t'es belle, t'es cool, mais tu me saoules. Pour te dire mes mots doux, j'ai un truc un peu fou. J'appelle quand t'es pas là, tu ne m'interrompras pas. Et ton répondeur à son tour à tous mes mots à couper court. À couper court. Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Tu m'as tiré, c'est certain. Pourtant j'aurais dû rebrousser chemin. Oui, Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Isabelle, t'es belle, t'es cool. Mais tu me saoules. Mes espoirs ont naissé lorsque tu t'endormais. Un tout petit répit pour une courte nuit. Mais hélas, tu rêvais si fort dans ma tête. Ça résonne encore. Ça résonne encore. Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Auras-tu un jour enfin le désir d'écouter ce que j'ai à te dire, hein? Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Isabelle, t'es belle, t'es cool, mais tu me saoules. Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Nous ne nous reverrons plus, notre amour est perdu. N'y as-tu jamais cru, hein? Isabelle, t'es belle. Isabelle, t'es cool. Isabelle, t'es belle, t'es cool, mais tu me saoules. De parler trop n'est pas un gros défaut. Et tout peut s'arranger même s'il y a du boulot. Mais pour moi que tu sois Julie, Marlène, Antoine ou Ophélie, ou bien Lily, oh t'es belle, oh t'es cool. T'es belle, t'es cool, mais tu me saoules. T'es belle, oh t'es cool. Isabelle, t'es belle, t'es cool, mais tu me saoules. Malheureusement, les amours ne sont pas toujours aussi rieuses. Les amours riment souvent avec insomnie, folie, lait, jeux absurdes, coups bas et envie d'en finir, comme nous le chantent les désillusionnés Stromae et Damien Seize. Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite su que qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijoux, bisous et le tralala. Mots doux et coups bas, insultes, coups, etc, etc. Non, pas les miens mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça. Je l'aime à mort mais pour la vie. on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Sekiero. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Sekiero. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Sekiero. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Sekiero. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Sekiero. Te quiero. Jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Un jour je la reverrai, je le saurai tout de suite, que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge. Et puis leurs odeurs de pisse, ça deviendra juste une fois de plus répétitif. Imagine-moi dans mes vieux jeans, mais cette fois-là sans domicile. Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterai dans le vide. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Sekiero. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Sekiero. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Sekiero. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Sekiero. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Vous êtes bien sur Radio Le Zing, radio diffusée sur les ondes de Radio Val-de-Rhin. Retiens-moi si tu peux, fermer la blessure qui me tient la vie, le mal qu'on se fait, et les coups de couteau qui transpercent les plaies du silence et la nuit qui fait pleurer mon âme. Et la mélancolie, dis-moi quand c'est fini. Les pouvoirs et les vents qui me poussent et m'attirent. Quand le cœur ne ressent que l'envie d'en finir, dis quel est le chemin. La Vierge ou la putain, Marie ou Marilyn, peu m'importe ton nom. S'il y a la passion, s'il y a la communion des corps et des esprits, Paris ou Miami, vas-y pour la folie, vas-y pour l'insomnie, va pour le paradis. Les seins de Marilyn ou les seins de Marie, tu sais moi je m'en fous quand elle est à genoux. Quand elle me dit vas-y jusqu'au bout de la nuit, en dessus son dessous, oui moi ça me rend fou. Les seins de Marilyn ou les seins de Marie, tu sais moi je m'en fous quand elle est à genoux. Quand elle me dit vas-y jusqu'au bout de la nuit, vas-y là dans le trou, oui moi ça me rend fou. Moi ça me rend fou. Retiens-moi si tu peux, refermer la blessure qui me tient à la vie. Le mal qu'on se fait, les coups de couteau qui traversent les plaies du silence et la nuit qui fait pleurer mon âme. Et la mélancolie alors tout s'incline au vent des religions, dis-moi qu'on s'affinit. Les pouvoirs et le sang qui me poussent et m'attirent. Quand le cœur ne ressent que l'envie d'en finir. Marie ou Marilyn, peu m'importe ton nom. S'il y a la passion, s'il y a le frisson. Marie ou Marilyn, peu m'importe ton nom. S'il y a la communion, s'il y a le frisson. Les seins de Marilyn ou les Macron, il y a des beautés divines. On ne soupçonne pas les pulsions qui m'animent. Quand elles prient au pied, il n'y a plus qu'à s'aimer. Aux alliances éternelles, immaculées. Conception de la vie, Paris ou Miami. Vas-y pour la folie ou crée des paradis artificiels, faut bien toucher le ciel. Dans la beauté du sale, dans la beauté du mal. Artificiel, faut bien toucher le ciel. Dans la beauté du sale, dans la beauté du mal. Artificiel, faut bien toucher le ciel. Dans la beauté du sale, dans la beauté du mal. Les seins de Marie, les seins de Marie. Tu sais, moi je m'en fous, dans quel état je l'eau. Quand elle me dit vas-y jusqu'au bout de la nuit, vas-y là dans le trou. Et moi ça me rend fou. L'amour est pourtant si simple, surtout quand Sullivan, dans ses histoires à colorier, évoque l'altruisme, l'amour universel, l'amour optimiste. Sullivan, un personnage magnifique, parti pour un tour du monde il y a plus de 10 ans pour partager son amour des autres. Tu es l'enfant du millénaire, d'un monde qui va changer. Je viens vers toi, voisin, petit frère, tu as des choses à raconter. Dans tes yeux, je vois la lumière, comme des histoires à colorier. J'ai quelque chose à te montrer, quelque chose. Tu es l'enfant d'une autre terre, comme un trésor resté caché. Lève le voile et les mystères que nos pères n'ont pas trouvés. C'est un jardin à découvrir, un secret à ne pas garder. Voilà les pinceaux, les couleurs, voilà qui me parle ton cœur. Viendra cette aube nouvelle, tu la porteras dans tes mains. Cette promesse universelle, tu es la flamme et le chemin. Je viens vers toi, voisin petit frère, tu as des choses à raconter. Dans tes yeux, c'est plein de lumière, comme des étoiles à colorier. L'enfant. Et le vent se souvient encore d'une larme laissée en partant. Elle coule encore dans ma mémoire comme un cadeau d'enfant posé que j'ai collé sur l'étendard de l'Odyssée. Et l'amour, ce sont aussi des histoires pleines de métaphores, comme aime tant à les raconter le Suisse Steffi Schock, qui, par ses histoires d'amours éphémères, de filles amères, nous raconte des marins volages, mais des hommes qui se perdent dans des mirages. Chagrin, le rivage est si loin. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer. rage, mon radeau à l'envers. J'ai besoin de courage, de prendre un peu d'air. Il paraît que j'ai l'amour éphémère. Il paraît que j'ai l'amour éphémère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Je suis prise au large, mais il faut que je respire. Que je remonte à la surface. Je ne fais que ça jour et nuit. Jour et nuit. Vas-tu me pardonner? Je ne sais que déconner. Jour et nuit. Jour et nuit. Je suis prise au piège sur le dos d'un requin. J'ai beaucoup de chagrin, le rivage est si loin. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. Un homme à la mer pour chaque fille amère. L'amour prend des formes plus libres, plus différentes, mais sans aller dans l'absurde, Thomas Fersen plane du côté de l'anthropomorphisme pour sa belle Zaza. Zaza, tu pues, mais je t'aime quand même. Zaza, ma chienne, t'es une martienne. Il te manque un œil, puis l'autre oreille. T'en as fait l'œil, mais je t'aime pareil. Zaza, tu ronfles, puis tu te dégonfles. Zaza, tu pètes, Zaza, tu fouettes. Mais je suis ton maître, je suis gros Thomas. Viens me faire la fête sur l'estomac. Zaza, tu pues, mais je t'apprécie. Le chat aussi. Coussi, coussi. Dis Zaza, c'est quoi ton problème? Arrête d'ingérer tout ce qui traîne. Croquer ma revue sur les gaines, ça va pas te rafraîchir la laine. Arrête de me briser les noix, sinon je te donne aux Chinois. Zaza, tu pleures, t'as un gros cœur. Zaza, je plaisante, t'es fatigant. Zaza, t'es belle, mais t'as grossi. T'as pris les fesses, t'es très sexy. Ce qu'il te faudrait, c'est un ami. Depuis que Nina, elle est partie, y'a pas de visite de ces temps-ci. Des gens ont peur de mon fusil. Zaza, tu fugues, mais je t'aime quand même. Tu mènes ta vie de bohème. Tu disparais trois jours et moi je me ronge le foie. Paraît que tu fais les kilomètres pour venir retrouver ton maître. Zaza, t'es fine, je lève ma chopine. À ta santé, ma vieille copine. Zaza, ma chienne, t'es parfumée, mais je t'aime quand même. Je suis enrhumé. Joli poil, jolie taille. Le diable a fait du beau travail sur ce grand roux qui t'accompagne. Il te fait battre la campagne. Zaza, serais-tu amoureuse? Zaza, serais-tu amoureuse? Pour aller sauter la clôture et mordre les pneus des voitures. Zaza, tu pues, mais je t'aime quand même. Zaza, tu pues, mais je t'aime quand même. Zaza, ma chienne, je suis rassuré. Je sais que je possède un nez. L'amour peut donc être fusionnel, il peut donc être destructeur, mais il peut être également physique, voire, comme c'est le cas avec Sophie Hunger, un amour artistique pour Noir Désir, puisqu'elle reprend avec bonheur Le Vent nous portera. Merci beaucoup, ça c'est pour vous. Dérangeant, il peut être différent. L'amour n'a pas de sexe. La preuve, masculin au singulier, féminin au pluriel. Alors, mort au con, et vive l'amour, et vive Taxi Girl. Thank you. cède à un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. De compte, on peut se réjouir de l'amour des autres, s'inventer ou espérer l'amour idéal pour être comme l'homme heureux de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Mais pas d'illusion, l'homme heureux est l'homme qui saura se construire en avançant dans une vie pleine d'embûches, mais sans jamais trop savoir comment dire son amour correctement. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi, comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture. Je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. Ce Radio Le 5 qui essayait de comprendre les méandres de l'amour, trêve de parole et place à notre poète breton préféré Yann Tiersen. Myself looking back at me in so many eyes. It's in the way I walk. Just wanna be touched in the right way, like everybody else. Like everybody else. A secret place in a lover's arm. I know a place not far from here. Had a secret place, each other's arms. In our furthest corners, we were lighting a fire. And this growing pain, we push it down with one hand, the other fanning the flames into a rage of love and hate, and half betrayal, and the life of a man who's blowing his last chance. Some secrets are too great to keep to yourself. Thank you. bumps and tickles inside my skin. I'm scratching like a dog in the secret place. I walked into the street to see myself looking back at me. In so many eyes, in the way we walk, just wanna be touched in the right way, like everybody else, like everybody else. A secret place in a lover's arms. I know a place not far from here, and it's a secret place. Don't keep away. Come to the car. Come feel the fire. This growing pain. You push it down with one hand, and the other fanning the flame into a rift of love and hate. And I've betrayed each other's arm. I know a place not far from here. This train is rolling on. This train is rolling on. This train is rolling on. This train is rolling on. This train is rolling on. This train is rolling on. This train is rolling on. L'entorse dans la radio Le 5 à la langue de Molière avec les deux morceaux de Yann Tiersen. À l'instant, nous avons écouté A Secret Place et tout de suite, promenade encore avec Yann Tiersen qui offre à la belle Elizabeth Fraser le morceau Mary. Do you recognize me? Here on this sleeper train. And do you feel the pain growing into the night? These sunny streets and Et parce que l'abondance ne nuit pas à l'amour lorsqu'il s'agit de musique, nous allons nous quitter avec un dernier titre de Jan Tiersen. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bis à messieurs, bis à mesdames.